Dernière question, dans quelle mesure la population est prête à revoir à la hausse la tarification de certains services? À la hausse? Non, et non. Je dois vous dire qu'on a mis entre parenthèses ici garderie à 7$ comme exemple. OK. Ouais, non. Ce qui est... Mais ça, d'après moi, ça va ressembler au, à l'augmentation de taxes et d'impôts. Les gens, d'après moi... 72, non. Ils veulent pas. 72, ouais, non. Moi, je dirais 80 en désaccord. OK. Ben ça, c'est l'endroit où la population est le plus réceptive. Ah oui? Réceptive à 64 % pour. C'est moi qui ai gagné. Ah, ben Colin, je Mais c'est Jean-Claude qui a gagné le concours pareil. Ouais, 3-2. Donc, mais ça aurait fallu pousser peut-être la question plus loin. Là, ça aurait pris un plus gros sondage, je sais pas, mais c'est pas dans ma cour. Là. C'est ouais, les garderies, il n'y a ouais, pas de trouble. C'est ça. Tout à fait. Il y a beaucoup de boomers qui n'ont pas d'enfants là-dedans. Je me demande, oui, si on avait mis entre parenthèses. D'ailleurs, on se demande si on n'avait pas mis ça entre parenthèses, ou si on avait mis entre parenthèses garderie à 5$, et frais choses. D'électricité, ouais. Ou assurance parentale, assurance médicaments. Ouais. Je ne suis pas certaine que là, avec vraiment la proportion des personnes très âgées, bon point. Aurait, mais donc une chose aussi qui est qui a été ressortie en terminant. Oui, en terminant. Quand on fait la répartition géographique des accords et des désaccords, la région de Québec est les plus d'accord pour couper les services, elle est plus d'accord pour diminuer le nombre d'employés de l'État, elle est plus en désaccord pour ce qui est taxé ou imposé des citoyens et aussi les entreprises, et elle est, par rapport à la tarification, elle est un petit peu plus en accord avec pour reviser la tarification. Je suis personnellement fière d'habiter la région de Québec. Parce que on voit là une différence. Il y a un éveil, là. Qui était là, qu'on le savait, mais en même temps, là, c'est documenté encore une autre fois. Oui. Quand même. Oui. De manière contemporaine. Puis je pense qu'il faut féliciter les médias de Québec. Je pense qu'il faut féliciter la radio de Québec, et puis les médias de Québec, et puis le journal de Québec, et puis les gens qui œuvrent à faire de la pédagogie puis à vulgariser le problème des finances publiques du Québec. Moi, je leur lève mon chapeau parce que quand on voit ça dans les chiffres, il y a une différence marquée. Il y a une différence. Le mystère Québec est marqué. En partie là. Toi, tu dis pédagogie, mais certains diraient propagande. Propagande, encore une fois, Radio Poubelle. Une propagande éducative. Radio Poubelle, encore une fois, la propagande. Hey, merci beaucoup, Joanne. Ça fait plaisir. Passe bonne semaine, tout le monde. 11h25, vous êtes dans Morée Live. Morée Live. Morée Radio X. Du Power.